Chapitre 3e. Orientation. Une longue table de bois blanc, une chaise, du papier, des plumes, de l'encre, et le long du mur un étroit lit de fer, telle était l'installation sommaire que Fouinard s'était organisée dans le logis de son ami Michel Gervais. Celui-ci en avait parlé une fois en passant. C'était dans une cour assez vaste, rue du Château-Landon, de grandes pièces au rez-de-chaussée qui avaient dû servir de remise ou de garage. De plein pied, elle n'avait pour plancher que le sol battu et s'éclairait par un vitrage pratiqué dans le toit. Excellent logis qui n'avait qu'un défaut, c'était d'être le passage de gros rats venant on ne savait d'où et y retournant. Mais ni Michel ni Fouinard n'étaient un rat près. Michel se souciait peu du luxe. Il ne rentrait là que pour se coucher et dormir. Fouinard, qui ne tenait pas à sortir fréquemment, avait acheté un fourneau à pétrole, un peu de vaisselle et des couverts d'étain. Il cuisinait son déjeuner, des œufs et un bifteck cuit à la poêle. Le soir, Suzon, après l'atelier, venait préparer le dîner des deux amis. C'était un petit paradis. Fouinard avait envoyé chez lui Michel qui lui avait rapporté quelques dossiers de faits divers. De plus, il continuait à lire attentivement les journaux et y pratiquait de larges fenêtres, ainsi qu'on appelle les coupures au ciseau. Il dut attendre 48 heures avant de recevoir les pièces qu'il avait demandées au préfet. Ces dossiers embrassaient une période de 2 mois, et comme on avait recherché dans les mairies et dans les commissariats tout ce qui avait trait aux morts subites, elle s'élevait au nombre de 11, y compris, bien entendu, les 4 dernières qui avaient si fort ému la population parisienne. Pendant une longue journée, près de 12 heures de travail, Fouinard étudia ses papiers et, délibérément, après toute une série de comparaisons et de déductions, il en élimina 4 qui, à son avis, ne présentaient aucun intérêt, en ce sens que les décès auxquels ils se rapportaient ne présentaient aucun caractère anormal. Restaient donc 7 dossiers, les 4 dont les éléments étaient déjà connus et 3 dont il n'avait pas été parlé. Le premier relatait la mort subite, toujours dans des conditions analogues, d'un employé attaché à une grande maison, bien connue à Paris, Comptabilité, qui fait quotidiennement dans les journaux une publicité importante. Un jeune homme d'à peine 20 ans, chargé de la correspondance, et qui avait été trouvé mort sur sa chaise de bureau, sa tête étant tombée en avant sur ses papiers. Dans le second, il s'agissait de la femme d'un directeur de bureau de placement. Achat et vente de fonds. Le mari était en voyage, c'était sa femme qui, pendant son absence, faisait la correspondance et tenait la comptabilité. On l'avait trouvée morte sur le palier de son petit bureau, les papiers qu'elle tenait à la main éparpillés à terre. Enfin, le 3e cas, qui avait retenu l'attention de Fouinard, était celui d'un bouquiniste. Sa mort était survenue pendant qu'il procédait à l'envoi par la poste de catalogue qu'il offrait dans ses annonces contre l'envoi d'un timbre-poste. Il s'était affaissé sur lui-même et n'avait pu être ranimé par aucun moyen. Fouinard, très méthodique, avait dressé un tableau dont on voici l'exacte reproduction. A. Employé chez X, comptabilité, 28 ans, pas de tare pathologique, d'apparence saine et vigoureuse, mort à son bureau, écrivant des lettres. B. Femme d'un placier, 35 ans, mère de 2 enfants vigoureux, très solide elle-même, faisant la correspondance de son mari. Morte en tenant à la main des lettres récemment écrites. C. Bouquiniste, 48 ans, maigre, tempérament non apoplectique, mort en envoyant des catalogues par la poste. D. Pierre Chardin s'était retiré dans son cabinet pour faire sa correspondance, est mort tenant la main de lettres qu'il venait d'écrire. E. Docteur Bouchard était mort dans son cabinet, tandis qu'en présence d'un client, il écrivait quelques lettres. F. John Massey, le créateur du dernier opéra de Debussy, était mort dans son cabinet, lisant les journaux et faisant également sa correspondance. G. Devers, attaché au cabinet d'un ministre, était mort faisant fonction de secrétaire et expédiant des lettres écrites par son chef. Selon son habitude, Fouinard causait avec sa canne, qui, ainsi qu'il est juste, respectait religieusement les préoccupations de son maître et se fut bien gardé de le troubler par quelques questions indiscrètes. « Tu as entendu, petite Justine, et je te connais trop futée pour n'avoir pas été frappée comme moi, de la répétition des mêmes mots, lettres, correspondance, correspondance, lettres. Ce que cela peut signifier, tu n'en sais rien, ni moi non plus, mais tu conviendras, petit ami Anjouan, qu'il semble y avoir là plus qu'une coïncidence fortuite. À quoi tu me répondras que cette constatation ne m'avance pas à grand-chose, attendu que le fait d'écrire une lettre dans son bureau est tout à fait personnel et ne nécessite l'intervention de personne. Sauf le docteur Bouchard et l'attaché du ministre, ces malheureux étaient tout seuls et se trouvaient dans des conditions qui excluent toute idée d'attentat. Quant à ceux que je mets à part, ils se trouvaient l'un en face d'un visiteur, l'autre de son supérieur, et il n'est pas indiqué que ces personnages aient pris une part quelconque à leur mort. Donc, nous nous trouvons en présence de deux termes, correspondance, mort subite. Et tu conclus, ma bonne Justine, comme ton excellent maître, qu'il y a non seulement corrélation entre les deux termes, mais même, en plus, relation de cause à effet. La cause, c'est la correspondance, l'effet, c'est la mort. D'où cette question qui se pose, impérieuse. Comment le fait d'écrire une lettre peut-il déterminer la mort par la thanatitine? Ah ah! Je vois ton bec de nickel qui esquisse un demi-sourire. Tu te dis, parbleu, c'est simple. Je traduis ta pensée. Les Borgia ont envoyé à ceux dont ils se voulaient débarrasser un message imprégné d'aquatofana et ce poison tuait leurs ennemis. Ou bien encore, au temps des Valois, on adressait à celui qui vous gênait des gants empoisonnés. Justine, ma belle, tu te crois très maligne d'avoir trouvé ça. Est-ce que les gens qui sont morts tenaient à la main la lettre à laquelle ils répondaient? Es-tu sûr d'abord que leurs lettres fussent des réponses? Rien ne te le prouve, et si cela est pour un, deux, en est-il de même pour les sept? Tu n'aurais pu l'affirmer. Et alors? Si tu considères au contraire que c'était sur leur papier à eux, et avec des enveloppes à eux qu'ils écrivaient, comment diable toute hypothèse, basée d'ailleurs sur des légendes non prouvées, aurait-elle une raison d'être? Suppose que sur ce bureau je prenne une feuille de papier, que j'écris deux mots, que je les mette sous enveloppe, et que je meurs subitement. Comment s'imaginer qu'il y aurait la relation de cause à effet? Ce serait absurde. Ne te fâche pas, Justine, on cause. Ça n'a rien d'offensant pour toi. Si tu veux, je te fais des excuses. Ah, tu ronchonnes. Alors, si ces hypothèses sont absurdes, le mot te tient aux fibres. À quoi sert l'observation relative à ces lettres, à ces correspondances? Il faut en revenir tout simplement à l'idée émise par les gros bonnets de la médecine, de la poudre toxique courant dans l'air et tombant au hasard dans les narines de celui-ci ou la gorge de celui-là. Ça n'est pas impossible. Mais je te parie tout ce que tu voudras que tu n'en crois pas un mot. Eh bien, ni moi non plus. Ma petite Justine, quand on a devant soi un tout petit chemin, si étroit soit-il et qu'on s'est ouvert soi-même, il faut s'y engager résolument et marcher à vive patte. Si on se casse le nez contre un mur, on en est quitte pour se le frotter et revenir en arrière. Donc, si tu m'en crois, et même si tu ne m'en crois pas, nous allons déguerpir et nous lancer. Si nous écoupons, tant pis pour nous. Une, deux, c'est dit. Et Fouinard, avec Justine, descendit dans Paris.